The French Pod Audio Review. Let's start with the vocabulary. Cavity. La carie. X-ray. La radio. Mild. Bénin. Dental. Dentaire. Nerve. Le nerf. Anesthesia. L'anesthésie. Retractor. Le support. Filling. Le plombage. To tell the truth. À vrai dire. To move. Gigoter. Devitalize. Dévitaliser. Molar. La molaire. Crown. La couronne. Aesthetic. Esthétique. Final. Définitif. Whitening. Le blanchissement. Tartar removal. Le détartrage. Now, a bit faster. To move. Gigoter. Retractor. Le support. Anesthesia. L'anesthésie. X-ray. La radio. Retractor. Le support. Crown. La couronne. X-ray. La radio. Dental. Dentaire. Whitening. Le blanchissement. To move. Gigoter. Crown. La couronne. Mild. Bénin. To move. Gigoter. Cavity. La carie. Nerve. Le nerf. Cavity. La carie. Anesthesia. L'anesthésie. Mild. Bénin. Molar. La molaire. Filling. Le plombage. Cavity. La carie. Molar. La molaire. Cavity. La carie. Molar. La molaire. Anesthesia. L'anesthésie. Crown. La couronne. Retractor. Le support. X-ray. La radio. Final. Définitif. Nerve. Le nerf. Retractor. Le support. Molar. La molaire. Crown. La couronne. Filling. Le plombage. Now, use the words in context. La carie. I think I have a cavity. I'm going to have to go to the dentist. Je crois que j'ai une carie. Je vais devoir aller chez le dentiste. Bénin. We shouldn't worry, his injuries are mild. Il ne faut pas s'inquiéter, ses blessures sont bénignes. À vrai dire. To tell the truth, I'm happy that you're coming with us.